L'enfant était à cette heure un homme. 15 ans s'étaient écoulés. On était en 1705. Gwynplaine touchait à ses 25 ans. Ursus avait gardé avec lui 2 enfants. Cela avait fait un groupe nomade. Ursus et Homo avaient vieilli. Ursus était devenu tout à fait chauve. Le loup grisonnait. La petite fille, trouvée sur la femme morte, était maintenant une grande créature de 16 ans. Pâle, avec des cheveux bruns, mince, frêle, presque tremblante, à force de délicatesse, et dont on a la peur de la briser. Admirablement belle, les yeux pleins de lumière, aveugle. La fatale nuit d'hiver, qui avait renversé la mendiante et son enfant dans la neige, avait fait coup double. Elle avait tué la mère et aveuglé la fille. Ses yeux, grands et clairs, avaient cela d'étrange, qu'éteint pour elle, pour les autres, il brillait. Son regard mort avait, on ne sait quelle fixité céleste. Ursus, maniaque de nom latin, l'avait baptisé Dea, la déesse. Il avait un peu consulté son loup. Il lui avait dit, « Tu représentes l'homme, je représente la bête. Nous sommes le monde d'en bas. Cette petite représentera le monde d'en haut. » Et c'est ainsi que l'enfant trouvé s'appelait Dea. Quant à Gwynplaine, Ursus n'avait pas eu la peine de lui inventer un nom. Le matin même du jour où il avait constaté le défigurement du petit garçon et la cécité de la petite fille, il avait demandé « Boy, comment t'appelles-tu » Et le garçon avait répondu « On m'appelle Gwynplaine. »« Va pour Gwynplaine », avait dit Ursus. Dea assistait Gwynplaine à ses exercices. Dea avait un voile la nuit et Gwynplaine avait un masque, sa face. Elle était seule, il était seul. Certes, c'était là deux désespérés. Un décret de malheur pesait visiblement sur ces deux créatures humaines, et jamais la fatalité, autour de deux êtres qui n'avaient rien fait, n'avait mieux arrangé la destinée en torture et la vie en enfer. Ils étaient dans un paradis. Ils s'aimaient. Gwynplaine adorait Dea. Dea idolâtrait Gwynplaine. « Tu es si beau, lui disait-elle. » Une seule femme sur la terre, voyait Gwynplaine, c'était cet aveugle. Ce que Gwynplaine avait été pour elle, elle le savait par Ursus, à qui Gwynplaine avait raconté sa rue de marche de Portland à Weymouth et les agonies mêlées à son abandon. Elle savait que lui, qui n'avait point de part à attendre dans cette distribution obscure qu'on appelle le sort, il s'était chargé d'une destinée, que, dénuement, angoisse et détresse, il s'était fait providence, que, le ciel se fermant, il avait ouvert son cœur. Que perdu, il avait sauvé. Que, n'ayant pas de toit ni d'abri, il avait été asile. Qu'il s'était fait mère et nourrice. Que, lui qui était seul au monde, il avait répondu au délaissement par une adoption. Que pour elle, Dea, ce titan de 10 ans avait livré bataille à l'immensité nocturne. Elle savait qu'il avait fait cela, enfant, et que maintenant, homme, il était sa force, à elle, débile, sa richesse à elle, indigente, sa guérison à elle, malade, son regard à elle, aveugle. Pour la foule, qui a trop de tête pour avoir une pensée et trop d'yeux pour avoir un regard, pour la foule qui, surface elle-même, s'arrête en surface, Gwynplaine était un clown, un bateleur, un saltimbanque, un grotesque, un peu plus et un peu moins qu'une bête. La foule ne connaissait que le visage. Pour Dea, Gwynplaine était le sauveur qu'il avait ramassé dans la tombe et emporté dehors, le consolateur qui lui faisait la vie possible, le libérateur dont elle sentait la main dans la sienne en ce labyrinthe qui est la cécité. Gwynplaine était le frère, l'ami, le guide, le soutien, le semblable d'en haut, l'époux ailé et rayonnant, et là où la multitude voyait le monstre, elle voyait l'archange. C'est que Dea, aveugle, apercevait l'âme.